Réfutation de l'énigme misérable des athées. Allah est-il capable de créer un autre Dieu comme lui? Leur ambiguïté est, le Coran dit qu'Allah est capable de toute chose. Alors est-ce qu'Allah est capable de créer un autre Dieu avec lui? Et est-ce que le Dieu du Coran est capable de créer une pierre tellement lourde qu'il ne peut la soulever? La réponse. L'existence d'un autre Dieu avec Allah est une chose qui est en soi impossible, et ceci est prouvé par beaucoup de preuves. Et la plus simple à constater est l'existence de cet univers organisé. S'il y avait un autre Dieu, l'organisation de l'univers serait détériorée par les conflits entre les deux dieux et leur désir mutuel de se dominer l'un l'autre. Comme Allah l'a dit, s'il y avait des divinités en dehors d'Allah dans les cieux et la terre, ils se détruiraient. Gloire à Allah, le Seigneur du trône, supérieur à leur description. Sourate 21, verset 22. Et Allah dit, Allah n'a pas pris d'enfant et il n'y a pas d'autre divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec sa création. Et ils essaieraient de se dominer l'un l'autre. Gloire à Allah, supérieur à leur description. Sourate 23, verset 91. Ibn Kathir a dit dans son tefsir, s'il était possible qu'il y ait plusieurs divinités, chacune d'elles s'isolerait avec sa création et l'univers serait désorganisé. Or, ce que l'on peut constater, c'est que l'existence et l'univers sont organisés. Toutes les créations élevées et basses sont liées les unes aux autres au surmom de la perfection. Tu ne vois aucune faille dans la création du très miséricordieux, et chacun chercherait à dominer l'autre et à s'y opposer. Fin de citation. Quant à la question de l'existence d'une chose qui soit tellement lourde pour Allah qu'il ne peut le soulever, c'est une chose impossible, car c'est Allah qui l'a créée et fait exister, et il est capable de la faire disparaître au moment qu'il veut, alors comment ne pourrait-il pas le soulever? L'athée cherche en fait à remettre en cause la parole d'Allah. Certes, Allah est capable de toute chose. En disant, s'il est capable de toute chose, pourquoi n'est-il pas capable de créer une pierre qu'il ne sait pas soulever? La réponse, c'est que ceci n'existe pas. Ce n'est pas une chose. Une chose qui n'existe pas est néant, rien, et ne peut exister. Même si la pensée peut se l'imaginer ou se le supposer. En effet, la pensée, l'esprit peut supposer et s'imaginer une chose impossible et inexistante. La pensée peut s'imaginer une chose qui rassemble en elle deux opposés. Exemple, une chose existante et inexistante en même temps. Ou bien de l'eau chaude, froide. Ou un rond carré. Demandons à cette personne, c'est quoi de l'eau chaude, froide ? Demandons à cette personne, c'est quoi de l'eau chaude, froide ? C'est quoi un rond carré ? S'il a une once d'intelligence, il te dira, je ne sais pas, il n'est pas possible que ça existe. De même, nous lui demandons, c'est quoi une pierre qu'Allah ne peut pas soulever? Il devra aussi répondre, c'est impossible, ça n'existe pas. Mais le verset en question, lui, nous parle de la toute-puissance d'Allah sur les choses, et non pas sur ce qui n'existe pas en soi, car ce n'est pas quelque chose, mais bien le néant qui ne peut exister. C'est pourquoi plus d'un savant a écrit au sujet de la puissance d'Allah, en expliquant que sa puissance concerne les choses possibles, car le néant inexistant n'est rien, n'est pas une chose. Ibn Taymiyyah dit, quant à Ahl Sunnah, ils disent qu'Allah est capable de toute chose, et toute possibilité s'inclut dans cela. Par contre, ce qui est en soi impossible et inexistant, comme par exemple qu'une chose soit en même temps existante et inexistante, ceci est irréel, il est inimaginable que cela existe, et ceci ne peut être considéré comme étant une chose, à l'unanimité des gens raisonnables et intelligents. Exemple de cela, est-ce qu'Allah peut créer une chose comme lui, ou autre chose de ce genre? Voir dans Minhaj Sunnah 2, 294. Ibn al-Qayyim a dit, car l'impossible n'est pas quelque chose, et donc n'a aucun lien avec la puissance et la capacité. Allah est capable de toute chose, aucune chose possible n'échappe à la puissance d'Allah en aucun cas. Shifa'ul Alil, page 374. Et notre dernière prière est la louange à Allah, le Seigneur des mondes. Traduit par Mouahid, source, Al-Battar Al-Islami, fi raddi ala al-shubuhat.